Bonsoir à tous, bienvenue dans Memento Mori. Numéro 666, comme d'habitude. Toujours, ouais, tous les mois, c'est le même numéro. C'est assez formidable. Donc quand on arrivera après le 666, il va falloir trouver autre chose, quoi. Ah, le 999. Oui, voilà, très bon groupe en plus. Ça va très bien, dans le sens, ça marche bien. C'est punk rock. On a un peu de marge quand même. Ouais. Ouais, bah écoute, on n'a pas signé notre arrêtement, hein, pour le moment. Non, pas du tout. Bah toi, non, mais... Bon, je veux pas en parler. Écoute, je suis pas au courant, hein. T'as des visions futuristes, Mitch. On y passera tous un jour. Oui, effectivement. C'est dark, ouais, ça. Certains, c'est doom. Certains plus vite que l'autre. Ouais, bah voilà, cool. Hein, ah, bah, c'est bien résumé. Petite émission, ça fait un mois, ça fait ouais, du bien. Ça fait toujours plaisir revenir. D'être là, comme, c'est ça. Comme à chaque fois. Donc on va commencer avec un petit morceau de Doom, hein, ça tombe bien. Voilà. Mais pas le groupe, ça viendra après. Mais ça vient après, c'est un split. Donc c'est le split Electro Zombies Doom. Les tout premiers, donc Electro Zombies font du Doom. C'est très clair à comprendre pour ceux qui connaissent. Non, Doom, ça pourrait être super bien. Je sais que c'est pas, ça marche pas. C'est compliqué, c'est un EP là. Mais ce qui serait cool, c'est qu'ils fassent du Doom, mais du groupe Doom. Ouais, ouais. Ils ont dû le faire quand même. Ah oui, hein, bien sûr. Ouais, une reprise peut-être. Ouais. Et que Doom fasse de l'Electro Zombie. Et là, du coup, ça serait vraiment super bien. Oh, je sais pas s'il faut chier à avoir des concepts à la con comme non, ça mais maintenant. Ce serait beau, mais oui, faire un truc comme ça. Attends, Doom a sorti des paquets de café. Alors je te garantis qu'ils pourraient faire des concepts à la con comme ça. Oui, ouais, s'il te plaît. S'ils aiment le café, ils ont raison, c'est équitable, c'est super. Et bah, s'ils aiment l'électro-zombie, ils pourraient très bien le faire. Putain, faut pas non mais plus. Mais peut-être qu'ils s'en foutent d'électro-zombie. Faut pas se limiter à des choses comme mais ça. Mais là, ils s'en foutent pas, ils font un split avec. Oui, bah, j'en sais rien, écoute. Hein. Bon, voilà, c'est un split sorti en 2017. Donc, Electro-Zombie, groupe chilien qui existe depuis quelques années, qui a déjà fait quelques tournées européennes. Notamment, si je dis pas de conneries, un split avec Born Messiah, le groupe de Fribourg, anciennement Congrid. Voilà, donc c'est un groupe que je connais depuis quelques années. Là, ils viennent de sortir ça. C'est pas dans l'autre sens. J'ai dit une connerie ? Peut-être. Mais c'est pas Congrid qui est devenu. Oui ? Mais c'est pas. J'ai pas dit ça ? C'est pas Elborn qui est devenu Congrid plutôt. Oui, j'ai pas dit ça. T'as dit l'inverse. Mais du coup. Ah, pardon. C'est, pas grave, c'est exactement ce que je voulais dire. Oui, je sais. Les auditeurs ont. C'est pour ça qu'ils m'ont regardé avec leurs yeux à la con. Non, mais je sais que t'aimes être très précis sur les groupes. Hein. C'est pour ça. J'aime l'être en tout cas. Donc je ne le suis pas toujours. Mais voilà, donc c'est un petit EP sorti donc, l'année dernière par le label Angry Voice. Très bon label allemand. Le titre c'est End of World. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est parti. We'll be right back. Oui, il y a ça pendant quelques instants. Je crois que ça dure longtemps. Hein. Ah, ouais, ça va. Voilà. C'est pas la scène. Hein. On se demandait combien brassait en hectolitre la Fouillotte. Donc, si les brasseurs nous écoutent, brasseurs de la Fouillotte, n'hésitez pas à appeler la radio pour nous dire la quantité que vous brassez. On goûte la petite au piment qui est absolument délicieuse. De toute façon, je vous préviens, moi, ce soir, c'est une émission qui est entièrement sponsorisée. Donc, finalement, voilà. Toi, t'aimes le fric quand même. Ouais, j'adore ça. T'aimes tes factures. J'adore le pognon. Voilà. Donc, à l'instant, c'était Electrozombie. Voilà, qui n'a rien à voir avec le pognon, hein, mais qui est un très bon groupe. Ok, on va enchaîner avec un groupe de Black Nut Crust, ou mélange de black metal avec des idées pas nazies. ce qui est toujours sympa. Bah, ce qui est toujours sympa, effectivement, et plutôt rare dans le black metal, il faut quand même le signaler. Donc le groupe c'est Angst, une espèce de all-star band du crust et du black. C'est un, si je dis pas de bêtises, un collectif allemand. Et qui ont sorti cette année leur nouvel album qui s'appelle Ghost of the Timeless Void. Et on va écouter le premier morceau de cet excellent album qui s'appelle Dying Ember. Et juste après, on va enchaîner avec un petit groupe de death metal que j'ai découvert tout récemment qui s'appelle Command. C'est des Américains, quelque part près du Texas, si je dis pas de bêtises. Come on. Non, Command avec un D à la fin et un K au début pour faire gros dodos. Et donc on va écouter un morceau qui s'appelle Starvation, qui est issu de leur deuxième démo qui est sorti cette année là. Voilà. Donc tout de suite Angst et après Command. We'll be right back. Et voilà, ouais. À l'instant, c'était Command. Tu voulais dire quoi, toi? Ouais. T'es là, tu ramènes ta gueule. Mais allez, allez, direct. Je voulais dire qu'on était sponsorisé par le restaurant la quoi la Rose Impériale. Donc à l'instant, c'était Command, un petit groupe de death metal, bien old school, bien un peu doom death comme ça. Groupe actuel? Groupe actuel, ouais. Ils sortent leur deuxième démo cette année là. Pas mal. Et juste avant, Angst, Black Metal Crust, allemand. Mmh. Voilà, ouais. Avec leur dernier album aussi, que du 2018. Ouais, qui sont trucs, bien, quoi. Bien actifs aussi. Quoi, ouais, c'est ça, et qui font des bons trucs. Ouais. Et ouais, leur dernier groupe, album est vraiment, très clair, vraiment chouette. Les idées. Donc voilà. Excellent. Et ben du coup, on va continuer. Donc, rien à foutre, excellent. Si, je suis positif. À partir de maintenant, je vais être positif dans la vie. D'accord. Enfin, ce soir. Bah, j'aurais été te fréquenter. Ah, c'était pour ça que tu m'aimais bien, Mathieu. Enfin, attends, ton côté négatif. Je reformule. C'est pour ça que tu me tolérais, Mathieu. bref, on va continuer, on le sponsoriser. Ouais, parce que du coup, je vends plein de matos de guitare et tout ça en ce moment. Et il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages sur le Bon Coin et tout, en me disant ouais, salut et tout, le boss, machin, elle est bien. Et puis finalement, bon, voilà, j'ai pas pu lui vendre à lui. Mais n'empêche, il me dit ah ouais, parce que du coup, moi j'ai un groupe de punk rock aussi, je joue dans Raincheck. Et Raincheck, en fait, c'est un groupe avec l'ancien batteur de Guérilla Poubelle dedans. Donc, tu vois, ça m'a fait halluciner, en fait, qu'un mec m'envoie un message comme ça. Mais tu nous avais déjà raconté cette anecdote, il me semble. Mais c'était peut-être en antenne. Il a besoin de la partager avec le public. Et attends, t'as eu la première anecdote. Mais le public ne sait pas que nous, on a ça, tout en double, en fait. Donc, c'est ça. Faut que les gens le sachent. C'est voilà. Redondant. Ah, vous savez pas que le public ne sait pas que c'est très pénible, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et donc, voilà, groupe de punk rock de Lyon et ses environs. Bon, plutôt mélo et tout, hein, clairement, je passe, c'est pas extrêmement ma tasse de thé, mais bon, vu qu'il a failli me donner de l'argent, j'ai quand même passé un morceau. Et juste après, on s'est écouté Mookrakers, qui est un groupe, alors que j'avais pas trop suivi à l'époque, mais qui n'est pas mélo. Pas des pour le coup. Je veux dire que... Il y a du synthé, hein. Je m'approche au maximum de ce que Arnaud pourrait passer. Là, je suis à fond, je peux pas plus. Voilà. D'ailleurs, Manu, si tu m'écoutes, si tu veux acheter ma tête d'ampli, je suis toujours partant. C'est vrai, ça serait vraiment cool. Ça m'arrangerait beaucoup ce mois-ci. Voilà. The Mookrakers, c'est un groupe de la vallée de la Fench, donc tout ce qui est vallée ouvrière et surtout des hauts fourneaux, etc., etc. Et voilà, les coins de Metz. Voilà, c'est plutôt, entre Metz, Thionville et voilà, bah c'est ce qui est long, oui. Voilà, c'est le triangle. C'est précis, ça. C'est le triangle de la Fench. Ouais. Voilà, c'est ça. Un peu comme les Bermudes, mais tous chez les nous. Tous les Hucranges, les Florange aussi. Ouais, tout en Ange. Tout en Ange, bah tout là où on en a beaucoup entendu parler récemment avec l'histoire de Haut-Fourneau. Florange, c'était là-bas. Il me semble. Non. Non, c'était au Val d'Ajol. Ah, le pire. Ah putain. Voilà. Eh ben. Et dire qu'on est payé pour dire ça, hein. C'est fou. C'est... qu'est-ce que je voulais dire avec toutes ces bêtises? Que oui, voilà, du coup, bah pareil, hein, il doit m'acheter du matériel, donc tant qu'à faire, si ça peut faciliter la transaction, autant passer des morceaux. Et là, il a honte de rien, quoi. C'est ça. Il ouais. y a des limites qu'on devrait poser, on aura un règlement en fait dans l'émission, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais vu qu'on est surpris à chaque fois, c'est compliqué. Il trouvera une faille à chaque fois. Je le trouverai toujours. Mais j'ai tout concentré cette émission-là, donc finalement, c'est pas si pire. Il y a des émissions spéciales Yeper, des émissions spéciales sponsors, voilà. Mais finalement. C'est des émissions, enfin c'est une radio sans pub, hein, Radio Gamozo, hein, ils en sont fiers. Oui, et ben voilà, donc, il est temps que ça change. Il y a une petite commission sera versée à la radio. Et donc voilà, du coup, Mooncrakers, on va s'écouter Plus d'acier. Et juste après, on va s'écouter Raincheck avec Workless Chill Mass. Yeah. Alors David, on n'est même pas à la radio, putain. Bah oui, ça fait un bout de temps. On se demande si t'es pas en train de démissionner sans nous le dire, hein. Il a disparu. Bon, enfin, concrètement, on peut dire ce qu'on veut. La dernière fois, il m'a dit « Ouais, de toute façon, j'écoute plus. Oh. » Bon, bah merci, salut. Il pourrait au moins faire l'effort d'écouter. Alors qu'on lui fait les dédicaces et tout, tu sais, genre très positive. Bah, sûr, on pense à lui, on est super. On t'embrasse. Bah non, il s'en tape. Bah, j'ai beau être positif, moi ça me fait un peu chier. Ah, attends, ton côté positif ressortait mieux sur le morceau d'avant là, ça se voit, que ça ressort, sur ce que tu dis maintenant. Ah bah on a eu quand même un écart musical assez important. Oui, on peut le dire. Tout à fait. Non, c'est le terme scientifique. Écart musical important. Tout à fait. On va passer du Coca Light. Bon bah je vais un petit peu recentrer tout ça, hein. Vas-y, le Coca, laisse ton coco, il est. Toi aussi, tu fais du sponsorisé ou comment ça se passe? Je vais prendre mon âne. Alors, on va se faire une petite session crust suédoise. Ah, ça ne fait absolument aucun mal. Ça nous manquait, exactement. Oh, ça manquait. En général, ça revient quand même tous les mois, mais... Le mois dernier, c'est pas mal. Ça fait un mois, non, c'est pas mal. Donc, on va commencer par Miteri, qui est un groupe creux suédois. Hein, j'ai tout résumé. Ils ont sorti un album en 2017 qui s'appelle Ruiner, donc ce sera aussi le titre éponyme. C'est un crust un petit peu plus mélo, quoi, avec des introductions un petit peu à la Fall Off, type d'inspiration avec avec un son un peu plus moderne. Juste après, ce sera Afskum, qui est une vieille référence du hardcore D-beat suédois, avec l'album Uproar Underifran. Et le titre Capitalisme et Terrorisme. C'est ça qui nous manque. Mais c'est plus facile en anglais. Non, le titre est en anglais, c'est vachement plus facile. Voilà, Afskum, groupe que j'aime beaucoup. Je pense pas que ça existe. Non, ça n'a plus existé du tout. Mais j'aime bien en fait leur façon de jouer et voilà tout ce qui dégage. Ah, allez, Miteri et Afskum. Tu les passes uniquement parce que t'aimes bien et pas juste pour une histoire d'argent. Ça n'a strictement rien à voir. Là-dessus, sur ces groupes-là, j'ai aucun intérêt. Quoi. D'accord. Là, je suis pas sûr. Au contraire, ils leur achètent des trucs. Ah, là, je pense que je perds tout là-dessus. Quoi. C'est juste pour être sûr. Hein, voilà. Ouais. Merci Guillaume pour les précisions. Thank you. Yeah, rock and roll. Yeah. Ah, c'était le rock. C'était les Suédois. Abscoum. Abscoum, voilà, et juste avant Mitteri, donc nouvel album trouvable notamment chez Alpha Brick. Il a une blague là. Alerte antifasciste et compagnie. Mitch a une blague. Bah, ouais. Je pensais à Frédéric Mitteri, mais. Bon, voilà. Ouais, c'était naze. Oui, oh, ça va, ça va. Non, mais j'espérais autre chose. Enfin bon, après. Ça va, c'est spontané et positif, c'est pas non plus. Ah, bah alors, maintenant qu'il a son créneau. je veux nouveau le Mitch négatif, s'il vous plaît. Aidez-nous. Eh bah vas-y, passe de la musique et tu vas voir qu'il va revenir à une vitesse voilà. Incroyable. Eh bah parfait, justement je vais passer de la musique. On va passer Sodom, l'un des meilleurs groupes, allez, le meilleur groupe de trash allemand, dans le top 3. Ouais, c'est mon petit préféré, donc voilà, je me permets un jugement. Ah t'as le droit, c'est toi qui parles, hein, allez, tu parles de toi. Hein. Bim, jugement, on est dans, voilà. Donc l'excellent morceau Agent Orange, qui si je ne m'abuse, est issu de l'album éponyme, qui est sorti, je ne sais plus quand, dans les années 80 ou 90. Ouais, 83, je crois. Ouais, peut-être celui-là. et juste avant ça, on va s'écouter Weak, excellent groupe de hardcore américain que j'avais découvert lors de la tournée Mad Drinker, qui s'était passé au 103 à Nancy. Et Weak avait fait la première partie, et puis ils ont mis la petite claque à tout le monde. Donc on avait Weak comme faible, hein, comme les blagues de Mitch. Et on avait pris notre c'est bon. C'est pas très positif. Ouais, mais. Le prochain groupe, c'est nul à chier. C'est juste. C'est juste. Et donc c'est issu de leur EP qui s'appelle First. Je me demande si c'est américain du coup, Weak. Ça se trouve, c'est peut-être des pays du Nord. On vérifiera les Américains. C'est pas juste le premier EP, peut-être. Non, parce que c'est un haut barré, tu vois. Haut barré égale Pays du Nord en général, à moins qu'ils ont fait style. Bref. Oui, parce qu'il y a un groupe de 10 bits de 10 bits finlandais de Bordeaux qui finalement. C'est du 10 bits, tu vois. Du coup, le lien est là. Est là. Donc là, c'est pas du 10 bits. Enfin, bref. En tout cas, le morceau s'appelle Animal Song et du coup, il peut servir de petit teaser à notre prochaine émission qui sera consacrée à la cause animale. Donc voilà, tout de suite, Weak, Animal Song et après Sodom. Et voilà. C'est... The fire that doesn't burn. Voilà, c'était un petit couac. On a le non, c'était l'histoire de souvenir de l'intro qui était vraiment excellente. Était... Ouais, 6 minutes, c'était pas assez. Il t'en voulait davantage. Ouais, ça. Non, mais parce qu'on te comprend. Il nous a envoyé un petit billet pour passer le morceau. Et vu que c'était un petit billet, on a dit qu'on allait repasser un petit bout du morceau. C'est tout, pas plus. Voilà, donc c'était Sodom à l'instant, avec l'excellent titre Agent Orange. Et juste avant, c'était Week, dont j'annonçais que c'était un groupe américain, alors qu'ils viennent en fait de Copenhague. Voilà, pour la rectification. Voilà, donc Mitch, à toi de nous passer. Ah, bah, avec grand plaisir. Bien. Et avec positivisme et grand plaisir. On va s'écouter Mondragon, oh, comme à la dernière surprise. Comme à la dernière émission. Et juste après Justine. Ah ouais, attends, il y avait Converge aussi, ça pouvait marcher. Ouais, ça fait longtemps, là. Hey. Alors, ils vont bien sortir un nouveau truc bientôt. Bah. Donc, Mondragon, qui, pour le coup, bah, c'est pas juste pour le plaisir. Enfin, pas que. En tout cas, c'est parce qu'ils ont sorti un disque, ils ont sorti un 4 titres, là, genre la semaine d'après la dernière émission. Donc, je me dis, bah, bon, bah, tant pis, j'en repasserai, c'est pas grave. 4 très bons titres, hein, concrètement. Alors, toi, Mathieu, t'as eu une vague info comme quoi ce serait peut-être des vieux morceaux qu'ils ont réenregistrés maintenant, mais. Je crois avoir vu ça, après, information. Après, C'est à vérifier. Approfondir. C'est peut-être une fake news, hein, on n'est pas sûr. Ouais, bon, c'est pas très grave. Voilà. Mais en tout cas, ouais, moi, ce qui me fait beaucoup marrer, c'est qu'ils disent on a enregistré ça vite fait dans la cuisine. Et puis le son est plutôt mieux que l'album en fait, donc va savoir. Mais bon, donc voilà, on s'écoutera le morceau qui s'appelle Friendly Fire, donc qui est issu de leur EP 4 titres. Et juste après, on va s'écouter Death Bell, qui est un groupe français de Doom. Doom plutôt trad, hein, plutôt positif quand même. Oui, mais c'est, et c'est pris très fleur. Ouais. C'est pas très sombre Doom, en fait, comme Doom. Enfin, ah, c'est tu vois, il y a... C'est qu'il raccroche les wagons. Il n'y a pas un côté, je sais pas, je trouve pas ça trop négatif, mais ça reste quand même du Doom. Donc c'est bon, pas non plus, ouais, c'est pas la Reine des Neiges, quoi. Ouais. Clairement, pas déconner. Voilà, avec un chant féminin, ce qui est assez rare pour être souligné. Et voilà, ça vient du sud de la France, je crois. En fait, ça avait joué au Violent Apes Fest l'année dernière. L'histoire ne dit pas à quelle heure, mais bon, sûrement pas à l'heure prévue en tout cas. Et voilà, je sais pas, on fera peut-être bien tout jouer ça dans la région parce que c'est, moi, j'aime beaucoup. Donc, je profitais du vague pouvoir que j'ai pour programmer ça dans un futur proche, je pense. Voilà, donc Death Bell, et juste avant, on va s'écouter Mondragon. Assassin's Creed. Ouais, rien à voir. Voilà. Alors, si vous avez envie de parler de culture, on va vous parler de Jarod le caméléon. Et tu me laisses, c'est à moi après. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Guillaume? On vient de s'écouter Death Bell, donc c'est le voilà. Doom ambiant comme ça. Oui, très ambiant. Ouais, plutôt voilà. Sympa. Hein. Des bons riffs de gratte, chant cool par-dessus. Utilisation abusive du phaser sur la guitare, c'est exactement ce que j'adore. Voilà, c'est tout pile bien. Et juste avant, c'est Mondragon. Voilà, morceau cool aussi, dans la lignée de ce qu'il faisait avant. C'est du Mondragon et c'est très bien. Ok, donc il nous reste quelques petites minutes avant l'agenda concert, donc on va se mettre un petit titre juste avant. Ça va être un titre du groupe de Tours qui s'appelle Jarod. Donc effectivement, le moment culture, il vient à ce moment-là, car Jarod était le héros principal de l'excellente série, pour ceux qui se souviennent. Donc fin 90, Le Caméléon. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Vous, n'hésitez pas à appeler, en tout cas, si vous avez des anecdotes sur cette série, des petits souvenirs, des petites phrases choc. Fait, une fois qu'on a sorti le nom de la série, le nom du mec, il n'y a plus grand chose à dire après. Parce que après, voilà, ouais, à part le, moi aussi, je revois le visage, mais c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le début de la culture. Hein, on est là pour l'information. Les gens, après, sont libres de s'informer. Premier sur les hits et l'information des séries des années 90. Voilà, donc Jarod, groupe de Tours, j'ai déjà dit, qui vient de sortir un EP maxi en format LP, du coup. Il y a 4 titres, donc je pense que c'est, je sais pas, une seule face, ou je sais pas exactement. Ça change pas. Je vais te couper, mais il y a vraiment un truc. Vas-y, je t'en prie. Quand même, là, j'ai juste le pitch de la série. C'est Jarod utilise ses dons de caméléon humain afin de réparer quelques injustices. C'est genre, mais à quel moment ça fait super envie de dire. Je vais réparer quelques injustices. Je mets, je sais pas, répare des injustices. Non, quelques. Voilà. Oui, il a la hauteur en fait de ses ambitions, c'est-à-dire très faible. Imagine un pauvre caméléon ce qu'il peut faire. Attends. Oui, non mais c'est genre, Rex, le chien policier allemand va résoudre 2-3 problèmes. Ah ouais, c'est bien. Les autres, ce sera le caniche. Allez, c'est parti. Donc, c'est un groupe de Screamo qui, c'est pas forcément ultra, ultra ma tasse de thé, mais j'aime bien. C'est un groupe que je suis quand même depuis quelques temps. C'est le deuxième disque qui sort, qui est assez engagé. Le titre du disque, c'est Drosera. Alors, visiblement, c'est le nom d'une plante. Plante carnivore. Se poursuit exactement. Plante carnivore. Qui visiblement prend ses proies et les laisse s'étouffer. Je sais pas exactement le produit comment. Au bout de ses pétales, elle a des petits trucs collants en fait. Ouais. Qui empêchent la proie de sortir exactement. Et on en trouve dans les marécages, plutôt dans le sud de la France, même si on peut. Ça en tend trouver. À disparaître. Ouais. Non. Par ici, je sais pas si par ici il y en a, mais bon, dans le sud de la France, on. Voilà, on donc en du voit, coup voilà. Le parallèle que le groupe fait, donc c'est par rapport aussi à la société qui y aurait aussi ce même genre de technique pour. De poils un peu collants. De poils un peu collants, exactement, qui se referme sur toi-même. Non, mais voilà, c'est assez intéressant quoi, le groupe. Le titre, c'est La Séduction, donc on en a assez parlé, donc Jarod. Construire un rêve bleu. s'échapper, sans se sentir coupable, se sentir capable, résister, revivre, retrouver le corps qui nous a été pris, redécouvrir ses propres émotions, ses émois, reprendre le contrôle de nos mots, s'ouvrir au monde grâce aux autres, se rendre compte que c'est impossible. Il a pris en main toutes les issues. Fuir là où il n'a plus aucune emprise. On se heurte à une haine puissante. À se construire avec l'autre. On se heurte à une haine puissante. À construire. À l'instant, voilà. On vient de s'écouter Jarod, donc qui vient de sortir son tout nouveau LP. donc c'est disponible notamment sur la Destroy. Donc c'est, le Destroy, c'est un peu FZM qu'en gros au niveau du au niveau de des stands Destroy. D'accord. Ça existe toujours FZM? Bah justement, c'est, je crois que c'est plus la Destroy qui a repris le flambeau. Quoi. Ils ont toujours la plateforme internet FZM tout ça, mais voilà. D'accord. C'est eux d'ailleurs qui avaient sorti Mondragon aussi à l'époque. Bah oui, oui justement. C'est pour ça. Mais c'était aussi la foule. Enfin, c'était aussi les. Comment ils avaient appelé ça? Les archives, je crois. C'est les archives, archives de la zone mondiale. Ouais. Parce qu'il y avait le folklore de la zone mondiale pour FZM et puis. Ouais. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Enfin, c'est lié à tout ça en tout cas, je crois. Le FAB, tout ça. Enfin. Mm. L'Arcofab. Voilà. Le Forum Dynamite. Exactement. Eh bah, tu vois. Et ça, c'était la même époque que le Caméléon. Oui, mais non, ça, en attendant, le Forum Dynamite. Bah, c'est plus Dynamite maintenant. C'est Punks Forum. Un petit peu la suite. Moi j'ai un peu lâché tout ça. Bah moi j'aime bien, moi ce petit forum en tout cas. Oui, mais c'est parce que toi t'es old school. Si. Ouais, bah parce qu'il y a des trucs que j'aime bien dessus. Oui. Bon, allez, il est 21h01 et 45 secondes très exactement. C'est l'heure de l'agenda concert. Positif, sponsorisé par Mitch. Non, par la brasserie. Groenendijk. Voilà, je sais pas, c'est hollandais, alors c'est imprononçable. C'est très bon, mais il y a petite beaucoup. Blanche à la coriandre et aux épices. La prochaine fois, on va trouver de la bière polonaise et tu liras l'étiquette. Ah ouais, ça, excellent. Challenge. Bah écoute, si je fais des vacances en Pologne, ouais, je ferai ça. C'est plus simple de trouver quelqu'un qui vient de Pologne ici directement. Quoi. Oui, c'est vrai, on peut faire ça. Mais bon, tu as le droit de partir en vacances en Pologne si tu le désires, Mitch. Oui, non, mais pour l'instant, Amsterdam, c'était très bien. De nous ramener de la bière, surtout. Voilà, je sais pas, ils font du vélo en Pologne? Moins, ça a l'air plat comme pays. Ouais. Je sais pas, mais bon, enfin bref. Hein. À vue d'œil, à vue de carte comme ça a l'air plat. Hein. À vue de carte. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où cette expression a existé, genre de diffuser largement? Bien sûr que ça existait, la Terre était plate pendant quand même quelques années. Donc, excuse-moi, Mitch. Bien sûr. Moi, je suis réaliste. Hein. Avant qu'il te découvre qu'elle était ronde. Puis de nouveau plate. Il y a Kaamelott qui sort au cinéma bientôt. Tu vas voir, ça sera une phrase du film. Ah, Ah, vu de carte, c'est plat. Hein. Ouais, on leur demandera des royalties. On est toujours dans l'émission sponsorisée. Oui, toujours, toujours. Voilà. Alexandre Racier, si tu nous écoutes. En parlant de sponsor. Donc, du coup. Sponsor punk, nous, là. Ah, hein, oui. Seulement. Ah, le rock. Hashtag le rock. Vous pouvez nous suivre sur hashtag le rock. Donc, on commence tout de suite avec le vendredi 5 octobre, c'est demain, si vous écoutez en direct avec Demon Vendetta, surf hardcore, voilà. Sans chant. Sans chant. Comme du vrai surf, quoi. Voilà, mené par Nasty Samy, hein. On ne présente plus, de toute façon, il est dans tous les magazines de musculation depuis 10 ans, donc finalement, on sait qui c'est. Joe Jeremia qui se reforme. Voilà, donc Joe qui rejoue un peu. Et Walsa de Crossroads, hein, parce que faut bien quelqu'un qui ouvre. Tant qu'à faire, il n'y avait que ça, donc finalement, voilà. Il y a ce même week-end... Attends, excuse-moi, mais il y a un petit concert à Nancy aussi que tu n'as peut-être pas dans l'agenda. C'est vendredi aussi, donc demain. demain toujours à la Auf House, donc une maison voilà, dans un petit garage. Donc Bong Thrower, donc Acid Doom, Dog God, Doom Stoner Rock et Afre Black and Crust. Début des concerts à 21h, prix libre, voilà. Et comme dirait la pinte à 3€, et comme dirait George, what else? J'en lis le message. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est organisé par les gens d'Organe à Nancy. Ah bah très très bien, excellent. Dans leur petite tournée Bong Thrower, une tournée de 5 jours, 120 km. Ils savent comment ça marche. Voilà, ouais, Strasbourg, Nancy, Nancy-Besançon. Oh, mais du coup, les organes se diront ils n'ont pas de route, du coup, on leur filera que 20 balles. Oui, puis en fait, ils se retrouveront quand même en perte. C'est terrible. Ce même week-end, il y a du son pour les braves aussi dans les hauts de plein fin, pour ceux qui aiment bien la musique de Babos. Je ne sais pas si on va toucher grand monde de ce côté-là. Le 6 octobre, donc samedi, il y a Extreme Noise Terror, quand même, excusez du peu, qui passe à Nancy, au Rifter, voilà, sur la péniche, avec Grohl's et Depraved. Et Lupus At Mortem. Or, c'est toujours pas sur l'affiche. Hein. Ah non, mais on a déjà eu cette conversation. Non, mais ils sont sûr, toujours pas sur l'affiche. Mais... Et ils passent aussi demain soir à Dijon, aux tanneries. Alors, parce que c'est pas non plus sur l'affiche. Ça n'a rien à voir. Non, je parle d'Extreme Noise. Okay. Ah, d'accord. J'allais si, dire. Si, ils sont sur l'affiche. Ah, donc, Extreme Noise, fait deux dates en fait en France, là. Donc, ouais. Dijon vendredi 5 et Nancy samedi 6. Donc voilà, groupe quand même plus que légendaire. Hein. Oui, oui, on peut le dire. Si le terme là est accepté. Oui, tout à fait. Elle est très très bonne cette bière quand même. J'aime beaucoup. ensuite, on passe à Tuquenieux. Alors, moi, si je connais cet endroit, c'est uniquement parce que j'y ai joué il y a longtemps, mais sinon, personne ne se perd là-bas. Mais bon, il y a donc Guerilla Poubelle, Corbillard, Intenable, MAF et Pogo Car Crash Control qui jouent voilà, à la salle municipale à partir de 19h. Donc, c'est la chaise musicale qui organise. C'est loin, ça ? C'est dans les hauts du 54. Ok. Voilà, moi, quand on y avait joué, c'était assez marrant quand même. Était très bien accueilli. Et il y avait quand même le groupe de l'organisateur qui faisait une reprise de Sepultura, mais il la faisait en français. Et du coup, il disait « Le prochain morceau est une reprise de l'orchestre de Maxime Cavalier et de son groupe Sepultura. » Et ça m'avait fait ma soirée. Voilà. Donc ça, c'est le 6 octobre dans les hauts de la Meurthe-et-Moselle. C'est un gros week-end, quoi, là. Oui. Il y a de quoi faire, là. Ouh, est-ce que vous voulez un petit peu de Oi? Bien sûr. Allez. Il y a eu un petit temps de latence, mais je savais que tu dirais oui. Il y a Torquenada Mada qui passe au Delirium Café à Strasbourg. Voilà. Ok. C'est fou, hein. Bah, il joue tout le. Enfin, moi, je reçois du coup ses mails et il joue tout le temps dans les bars, les trucs à saucisses, les. Enfin, un peu des soirées un peu à la con, j'ai l'impression, mais. Enfin, plein d'endroits qui sont pas forcément punk, je pense, à la base, mais il fait plein de concerts partout. Oh, il y a saucisses, ça va peut-être très bien ensemble. Ça va sûrement bien ensemble. Ouais. Ça se fait. Ensuite, les Turbo Jungen de Meurthe-et-Moselle, les Moselle Jungen, qui font une soirée stoner rock'n'roll avec Fuzz Pobli et Destroyed Bastards. Je n'ai jamais entendu parler, mais bon, ça doit être du stoner rock'n'roll, vu qu'ils disent que c'est du stoner rock'n'roll. C'est le jeudi 11 octobre au Rifter à Nancy. Le 12 octobre, il y a Lengche. C'est du grind pas très bon, soyons honnêtes. Lengche ? Ouais. Ouais. Enfin, mais c'est vieux quand même, non ? Oui, c'est vieux. Non, c'est vieux. Ça grind un peu d'aise, quoi. Ça fait longtemps que c'est du grind pas très bon, du coup. Bah, moi, j'ai jamais accroché à ce groupe. Donc, c'est un avis purement subjectif, hein, mais voilà. Ah, sur Doomstar. C'est vrai. Ah, c'est un gros groupe de grind. Voilà. Oui, c'est connu quand même. Ouais. Ouais, ouais. Ensuite, il y a Kesktak. Voilà, imagine ça se prononce comme ça en Suisse. Illegal Corpse, ça, hein, c'est bon. Ouais, ça c'est plutôt bien. C'est cool. Et Work Hunt. C'est plutôt aussi. Bien aussi. Voilà, ça passe au Molodoy à Strasbourg le 12 octobre. Et on arrive au gros morceau. Ah oui, c'est Jules qui organise ça, ouais. Oui, sûrement. Ouais. Et on arrive au gros morceau. Enfin, moi, en tout cas, ça va être mon gros morceau de week-end. Le 12, 13 et 14 octobre, il y a les Voyageurs du Son qui fêtent leur anniversaire à Épinal. Ça fait 10 ans qu'ils organisent des concerts. Et donc, voilà, ils font 3 jours au Lavoir Théâtre. Avec, entre autres, du coup, Ludovic Matériel, Baladur, TG Gondard, Membrane, Exogène, Makatao, KPG, It's Everyone Else et Vendège. Ça va sûrement être très très cool. Il y en aura en plus pour tous les goûts. La première soirée est plutôt orientée noise un peu bizarre, comme ils aiment bien. La deuxième, plutôt quand même un peu musique qui tartine plus. Et le dimanche, en mode apéro-concert, avec notamment Vendège qui repasse. Moi, j'avais... je sais toujours pas dire ce que c'est comme musique. Je sais toujours pas dire à quelqu'un comment il pourrait aimer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'irai sûrement pas. Si, non, mais c'était. C'est pas ça, non, c'était mortel. J'y suis allé juste parce que c'est à 5 minutes de chez moi à pied et que voilà, ça jouait. Donc, allons-y, on verra bien ce que c'est. Et c'était trop cool. C'est un peu de la pop avec un peu de l'électro, mais des trucs un peu bizarres par-dessus. Et c'était trop trop cool. C'est peut-être pas très bien vendu comme En fait, faut pas que tu dises quel style c'est. C'était super ton annonce jusqu'à ce que tu dises pop électro bizarre. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé ça. C'était génial. Donc là, du coup, que ça repasse, moi, ça me fait très très plaisir. D'ailleurs, histoire de couper un petit peu en deux cet agenda concert qui est déjà très long, on va s'écouter Membrane, voilà, qui passera donc le samedi 13 octobre au Lavoir Théâtre. We'll be right back. Et voilà. Oh, pas tout Larsen. Non, je rigole. C'était déjà suffisamment long, en fait. Complet. Ah, j'ai pas fait un complet. Autant pour moi. C'est le... il était à cheval sur on deux morceaux. Dans le monde culture, là, donc on va pas traîner avec des conneries, quoi. Oui. Donc voilà, c'était Membrane à l'instant. Donc il passera le samedi 13 octobre au Lavoir Théâtre à Épinal pour l'anniversaire des 10 ans des Voyageurs du Son. Avec plein d'autres groupes ultra cool. Voilà, vous verrez, ce sera en mortel. On repassera 2-3 autres groupes d'ailleurs tout à l'heure. On passe au 12 octobre, toujours, en fait, à Nancy. Il y a Télédétente 666. Ça, voilà, du punk rock un peu déglingos avec du synthé. Oui, ça me paraît collé plutôt bien. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais. Noir Boy George. Alors, ça va être le seul moment où je ne serai pas positif de la soirée. C'est absolument inécoutable. Non, voilà. C'est plutôt cool, en vrai. Mais bon. Non, je te jure que non. si, moi j'aime bien. Oui, bah justement, c'est ce que je dis. Mais ouais. Voilà. Mais on est moi, on est ça d'accord. Va, j'aime bien aussi. Ouais, voilà. et donc, avec ça, il y a Jinx aussi. Voilà. C'est une rock'n'roll des viandes de Nancy. Bah, j'ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas. Soirée des viandes. Oui, finalement. voilà. Donc ça, c'est au Black Baron à Nancy, rue Mont-Désert, le 12 octobre. Ensuite, il y a la Foire au Disque à Nancy, le 14 octobre. Voilà. Le 14 octobre, il y a Elbastard, Insurgent et plus un guest. Mais écoute, on ne sait pas encore c'est quoi, on verra bien. Qui joue au Rifter à Nancy. À Nivelange, il y a les Rats qui jouent avec Diego Palavas le vendredi 19 octobre. Gros morceau aussi de la scène de l'Est, le Rock Your Brain Fest, là, qui, comme chaque année, avec cette année une affiche extrêmement solide. Alors, comme d'habitude. Hein, ouais, oui, c'est ça, comme chaque fois. Et d'ailleurs, il y a un autre truc, comme chaque fois, c'est les Salles Majestés. Voilà, comme chaque fois. Mais déjà à l'époque, des arséniques en fait. Non, mais après, en fait, cette fois-ci, c'est la fois gratuite. Tu sais, quand t'as une carte de fidélité, tu coches les 10 cases et puis t'en as. C'est vrai, c'est le 10e kebab en fait. Voilà, et bah, là, c'est le 10e kebab des Salles Majestés. Donc, c'est sur 3 jours, le 19, 20 et 21 octobre. Le vendredi soir, donc avec Carpenter Brut quand même. Bon groupe hype s'il en est en ce moment, l'espèce d'électro-rock finalement. Hein. Oui. La synthwave, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, oui. Voilà. Ça reste plutôt cool. Là. Voilà, avec aussi les Tambours du Bronx. Bon, ils font un live metal apparemment avec l'ancien. Sur des tambours quoi. Oui, voilà. Et ça leur va bien. Ah non, ils sont numéro 1, c'est ça. Ah, bien sûr, c'est ça. Voilà. Et il y a d'ailleurs l'ancien batteur de Dagoba dedans maintenant. Qui ne savait plus trop quoi foutre, je pense. C'est pour les sponsoring. Sûrement. Bah, émission sponsorisée, vraiment. Sponsoring, voilà, c'est important. Ensuite, il y a Punish Yourself. Ça, pareil, on en passera un petit morceau tout à l'heure, quand même, parce que c'est quand même toujours cool. Dust in Mind et Ghost, mais pas Ghost, le groupe connu. Voilà, sans le H et sans beaucoup de trucs, à mon avis. Voilà. Le samedi 20, il y a The Addicts, groupe punk rock anglais ultra cool. Qui était passé aussi l'année dernière, il y a deux ans. Il y a deux ans. Bah, quand on avait joué avec Diego. Ouais. Il y a deux ans. Ouais. Bah, même plus que ça, parce que c'était quand on avait joué avec Diego. Donc, je suis plus de au moins trois ans. Donc, t'es sûr? Ah, tout t'es à fait. Sûr que ça. Oui. Et avec ça, il y a No One Is Innocent, Les Vents Passent, Les Salles Majestés, Les Rats, Los Tres Puntos et Diego Palavas. Et le 21, soirée pour tous les quarantenaires, voire cinquantenaires, hein, clairement. S'il te plaît, parce qu'on y approche des quarantenaires, même le con. Oui, allez, 50-60-naires. Si t'es commence à recevoir des dossiers de retraite de la part de ton organisme, et bien concrètement, c'est pour toi. Il y a Trust, Phil Campbell and the Bartas Sons, donc c'est le guitariste de Motorhead, Papa Shubi, Little Bob Blues Bastard, et attention les vélos, Dick Rivers, s'il vous plaît, quand même. Bon, on passera pas de morceau, mais quand même, Dick Rivers. Là, Marcus est en train de se décomposer, c'est parfait. Et je me demande s'il a ses places. Ça lui parle. C'est bon, déjà, Little Bob, c'est pas une référence pour les jeunes, ça. Ah, bah, je connais pas du tout. Hein. Tu vois, voilà. Non, ça va, on n'est pas si vieux que ça, finalement. Ouais, tu vois. Très bien, on est sauvé. Et David Thibault, ouais. Tout ça, c'est les 19, 20 et 21 octobre à Célesta, donc au temps ce matin. On arrive à Ménil-sur-Belvitte. Le petit Ménil, c'est celui qui est juste à la frontière avec la Meurthe-et-Moselle, c'est ça? Tu sais pas. Bon. T'as d'autres questions? Je sais pas. C'est pas le Ménil d'ici, c'est l'autre. Ah non, mais oui, du coup, c'est Comptoir Chaos qui organise, je pense. Donc c'est pour c'est ça. Vitel, quoi. Oui, voilà, c'est dans ces coins-là. Donc il y a Comptoir Chaos, Phobos et JKY, ah non, c'est GKY vu que ça vient de Sainte-Hélène, c'est pas en anglais. Voilà, autant pour moi. Ah, c'est facile, c'est bon, les pauvres, ça. Les pauvres. Bah, non, mais concrètement, voilà, je pense pas qu'il y ait... Enfin, bref. Voilà, place. Au Chatham Parker, il y a... Bah, il y a nous, il y a Doom Sisters. Oh, hey, vous voyez, c'est pas Doom Sisters vu que c'est le français. Doom Sisters. C'est... C'est bientôt. C'est... Non, c'est encore en octobre. C'est encore en octobre, oui, c'est le 26. Oh, quel mois. Oui, c'est terrible. Hein. Et avec All the Train Bastards et Abest. Et ensuite, on arrive. Ici, il y a quand même. Oui, encore. Et puis il y a le Chefordès aussi. Il y a Sham 69 qui passe à la Basca, à nos châteaux. Donc c'est pareil. Eux, ils ont dû bien descendre leur cachet aussi, je pense. C'est le vendredi 26 octobre, voilà, à la Basca, avec 1984, aussi, groupe de Hoy. Ensuite, on arrive à Lust for Death, évidemment. Est-ce qu'on passera une émission sans parler de Lust for Death ? Je ne crois pas. Et est-ce qu'on arrivera à finir cet agenda concert un jour ? Putain, ça fait déjà 15 minutes, c'est terriblement long. Voilà, Ruinas, Lust for Death et Ocaso à l'Entracte 2 le mardi 30 octobre. Voilà, pour 5 euros, ça va être cool. Et les Sparty qui ne viendra peut-être pas. Et le lendemain, il y a Nashville Pussy et Iron Bastards qui jouent à l'Entracte 2, donc le mercredi 31 octobre. Et c'est le dernier, ouf. Oui, il y a encore plein de derrière. Hein. Ouais, si. Mais on passe à novembre, donc on va peut-être l'annoncer. Il y a Capricorn. Il y a le 31 ? Ouais, il y a le 1er novembre, il y a Capricorne qui passe à Mirecourt, voilà, au bar Le Commerce. Donc il y a une grosse scène à Mirecourt, parce qu'après il y a Los Fastidios aussi bientôt. Oui, en novembre, le 7 novembre d'ailleurs. Ouais, ça, voilà. Ça vient vite aussi. Hein. Avec Comptoir KO. Ouais, donc c'est, ouais, donc c'est cool ça qu'ils refassent quelques concerts là-haut. Bah oui, oui, très. Bah, je pense que c'est voilà, Vérol et consorts qui sont un peu remis. Ouais. Très voilà, c'était un bel agenda concert, ouais, comme ouais. Un bon mois d'octobre où il se passe beaucoup de choses. Voilà. Où les concerts ne seront pas forcément remplis. Non. Comme d'habitude, oh. Mais il y aura sûrement du monde dans les gros trucs. Quoi. Puis les petits, ils se font un peu la gueule. Je te sens pas très positif. Non, ouais, c'est pas trop mon esprit, là, je t'avoue. Oh. C'est peut-être la fatigue. On verra, peut-être qu'il y aura du monde, on sait jamais. Ouais, ouais. Allez. Bah, voilà, moi, je m'en fous, nous n'organisons rien. On sait, chacun sa merde. Moi, je trouve ça très positif qu'il y ait plein de choses qui se passent. Ouais. Bon, sauf pour Noibo George, ça, j'aurais préféré qu'il se passe rien. Bon allez, on va arrêter avec le positivisme ou la positive attitude. On va passer un petit peu du gros sludge. Positive attitude. Bien. Là, tu commences avec, à bourrer. Avec du Larsen et tout. C'est du. Enfin voilà. Bref. Avec Leech Milk. Album, c'était Starvation of Locusts et le morceau c'est Dirt Clot. Donc gros sludge avec plein de Larsen et juste après, Mitch, il va nous mettre. Makatao, un groupe slovène qui passe donc aux 10 ans des Voyageurs du Son. Voilà. Au coup, c'est la première fois que j'écoute. Hein, mais, gros sludge aussi. Oui, mais enfin, gros. Je sais pas si on peut dire trop petit gros. Sludge. Ouais, voilà. Mince sludge. Mince sludge. Hey, ah, moi j'aurais dit sludgette moi, mais. Sludgette, voilà. Ah, pas mal. C'est comme du sludge, mais en plus. Bon, bah, l'auditeur se fera sa propre. Voilà, parce qu'ils sont que deux, c'est un duo basse-batterie. Tu peux faire du gros en étant deux aussi. Hein. Oui, mais là, c'est. Voilà. Bon. Quand il n'y a pas 12 guitares qui mettent de Larsen, c'est moins fun, quoi. Allez, on écoute. Considerations to use psychological warfare, have you discussed it at all? I don't know what psychological warfare is. Yeah. Tu vois, Marcus, je suis tellement positif que maintenant, je suis vraiment persuadé que chez toi, tu rentres le soir et tu t'écoutes des albums juste de Larsen. Tellement tu as pris goût à ça avec nous et tu kiffes à fond. Je peux te donner des références. Je les écoute jusqu'au bout, les morceaux. Ah, c'est bien ça. Il a le respect de l'artiste. Mais oui. Il trouve ça chiant, mais il laisse, quoi. Donc, ouais, c'était Makataho à l'instant et juste avant. Leech Milk. Ouais, bah deux groupes sympas. Ouais, des... Oui, ils se le jettent juste parce qu'ils sont deux, hein, c'est tout. Sinon, ouais, c'est cool. Ouais, non, mais ouais, c'est le samedi, ça, alors. Oui, samedi soir au Lavoir Théâtre, le 13 octobre. Ah, je vais peut-être essayer de venir quand même. Bah oui. Non, mais à la base, j'avais prévu, c'était noté après ce que j'avais. Non, je pense que c'est noté. Il y a des groupes comme ça, c'est ça. Bah, c'est la petite. C'est ça. Non, je pense que m'embrane plus ça, et ça fait deux trucs. Ouais, non, bon, mais l'affiche est vraiment cool. On va écouter It's Everyone Else tout à l'heure et tu verras que ça. Ça fait combien de temps que tu. Ça fait combien de fois que tu le dis le groupe là It's Everyone Else, je sais même pas combien. Trois. C'est bien, trois. Ça va, ça va. J'aurai une petite quatrième quand on passera tout à l'heure. Il va y avoir une cinquième pour le retour. Et puis voilà. C'est une bonne soirée. C'est à moi, donc il ne reste plus qu'une petite demi-heure. Vous êtes toujours dans l'émission Memento Mori sur Radio Gimozo, sans cette FM. Donc un petit split EP remis en MP3 de post-punk, peace-punk. Donc c'est Infinite Void, groupe de Melbourne en Australie. Et l'autre groupe, c'est Arctic Flowers de Portland aux USA. Ah, mais c'est pas avec des gens connus là-dedans? Ça me dit quelque chose, ce nom Arctic Flowers? Oui, non, mais ils ont déjà sorti deux albums, hein. C'est pas un truc qui. Mais il n'y a pas des gens d'autres groupes dedans, genre des Tragedy Witch Hunt ou un truc du genre? Ouais, non, je sais pas, peut-être. Oh, c'est possible, hein, mais je sais pas. Peut-être. D'accord, on s'en fout. Ok. Bah ouais, c'est pas moi, ouais. L'info est pas notée, en tout cas, c'est que je l'ai pas. Oui, bah, c'est souvent ça, oui. Ah, mais souvent les infos comme ça je les note, mais là non, pour le coup non, je vais pas. Attends, mais tu me demandes, alors si j'ai pas l'info, comment tu veux que je te réponde? On sait pas, nous on a pas tes notes sous nos yeux, hein. Je ne peux, je suis désolé Mitch, là je pense que tu vas devoir utiliser les moyens que tu as à ta disposition pour chercher ces informations. Oh, c'est parfait. Donc on va commencer avec Face in the Window d'Infinity Infinite pardon Void, et après le titre The Fall d'Arctic Flowers. Donc c'est un split EP qui est sorti il y a peu de temps sur Contrast Records, l'excellent label allemand. We'll be right back. Et voilà, vous êtes toujours sur la radio des Allemands en vacances, Radio Gamozo, dans l'émission Memento Mori. Voilà, écoutez du post-punk d'Arctic Flowers et juste avant d'Infinite Void. Extrêmement cool, hein. Et bah oui, oui. Bon, après, moi, j'ai très, acheté très le petit EP, j'ai dit allez, zou, hein. Puis en plus, il y avait le petit truc de téléchargement avec. Cadeau. Ah, et 2018, c'est ça, hein. Royal, ça. C'est bien, ça. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais du coup, pour après remettre en radio, c'est absolument parfait. Ouais, ou dans la bagnole et tout. Ah, j'allais dire, ah, tu t'en es servi, d'accord. C'est, ah oui, il y est. Je m'en sers pas, mais il y est, c'est bien. Ah bah, des fois, il y a des trucs, je m'en fous, parce que le groupe, je l'écoutais, enfin, je l'ai comme ça, donc ça me suffit, tu vois, mais. Ça me... Voilà, le principe d'acheter le vinyle, c'est écouter le vinyle, sinon tu. Ah. C'est ce que je veux dire. Ah, non, parce que. Ouais, je... mais les deux sont pratiques. Oui, puis, non, non, j'ai absolument rien contre. Hein, le mais... MP3 a sa petite. Ah bah, ça. Oui, mais moi, dans ma bagnole, par exemple, j'ai glissé. Mais tu peux pas écouter le vinyle dans ta bagnole, tu vois, par exemple. Non, c'est compliqué. Dans le train non plus, d'ailleurs. C'est mal vu. Non, c'est nos vies, c'est nos habitudes. C'est la. La Root Boy habitude. Tout à fait, Mitch. J'ai vu, c'était Root Boy ou Skinhead. Alors, j'ai un doute. Oui, bon, c'est pas loin. J'ai pas révisé depuis longtemps. Voilà, alors, prochain morceau sponsorisé par la SNCF. Oui, la SNCF, c'est très bien. Tu veux, je prends le train en ce moment. Puis, voilà, je suis content. Et non, on va s'écouter du coup It's Everyone Else. Ok. Ah, oh. Yeah, great. Oh. I need Mitch. Ça vous dit quelque chose ce nom là? Moi, j'en ai déjà entendu parler. Ah, j'ai entendu parler bah, aujourd'hui. J'ai entendu 3-4 fois. D'accord. Ah, ok. Un ah, mec qui s'appelle Guillaume qui m'en a parlé. Ah, c'est comment c'est redondant. Oui, donc du coup, c'est un groupe. Ça veut te faire nul en plus ce groupe là. Non, c'est. On sait pas. On a juste entendu ça, le long. Eh, le c'est craque. Ça, c'est cette pop avec un tout d'électro. Non. Pas du tout. Non, c'est. Je pense vraiment que c'est Vendège dont tu veux parler. Et Vendège, le passer à la radio, je sais pas si ça. Retransmettrait un peu ce que ça donnait. Mais si, donc, c'est possible. Ouais, mais il y avait un côté, une ambiance aussi au Lavoir Théâtre où t'as. Ah, on n'est pas l'ambiance peut-être. T'as peur que. Non, mais. Je sais... Ah, mais il a peur qu'on trouve ça nul en fait. Non, mais j'ai peur qu'on te juge. Je sais pas si moi je trouverais ça bien juste en disque. En fait, juste que là en live c'était cool à fond. Donc. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, perdu du temps là, deux choses à passer. Oui, donc du coup, c'est l'espèce de hardcore mais avec des claviers. Ouais, c'est peut-être un peu le côté Atari Teenage Riot ou un truc du genre. Voilà, j'ai écouté vite fait, je me suis dit, oh tiens, c'est bien. Je pense que l'avoir tiré. Non, c'est plus, vraiment, je vois l'espèce de hardcore avec du clavier en fait. Voilà. Hardcore avec un K ou qu'un C Avec un C, du coup, d'accord. comme du tendance punk hardcore, tu vois. À tendance mélo Vu qu'il y a du non, clavier. Non, pas trop mélo. Bah, bref, de toute façon, le principe, tu sais, ouais. De passer un morceau, c'est que t'écoutes ce putain de morceau et tu sais ce que c'est. Bah, vas-y, c'est toi qui parles pendant 10 minutes dessus. Là. C'est parce que tu m'interromps, t'es pas très positif. Non, du tout. Et t'es pas sponsorisé non plus, non, c'est encore pire. Je suis pas poli, j'interromps. Et juste après, on va s'écouter Kronstadt, un groupe de Lille, avec notamment un ancien de ce groupe de Lille aussi, de punk rock, qu'on avait fait jouer à Rue sur Moselle. Talk. Pas du tout. Qu'on avait fait jouer au Rustic. Avec ta chanteuse qui avait beaucoup trop de paroles pour un cache. Oui. Ah, ok. Voilà. Non, c'était pas ça. Je sais jamais son prénom, mais bref, Emily. C'est. Oui, mais pas elle. C'est. Enfin, bref, un mec qui jouait de la guitare dedans, je crois, qui chante dans Kronstadt. Ben oui, mais ça me dit quelque chose, ce petit groupe-là, je crois. Voilà. Et c'est du punk rock, mais un peu tendance Camera Silence. On sent, en fait, c'est peut-être bien les premiers enfants de Zone Infinie. Dans ce côté un peu revival du punk rock comme ça, voilà, ça sonne un peu, ça sonne un peu dans la même veine. Et non, mais vraiment, hein, je fais cette réflexion-là peut-être parce que j'y connais rien en punk rock, Caméra Silence et tout ça, mais voilà, ça m'a apparu un peu comme ça. Donc voilà, on s'écoutait donc Kronstadt et juste avant It's Everyone Else. Voilà, à l'instant c'était Constat, groupe donc de punk rock de Lille. C'est une démo ou c'est un... Non, c'est un album. Ils ont sorti un LP là, récemment. Ouais. Okay, qui pas beaucoup dans cette veine en fait, d'un espèce de mix entre du punk rock plutôt 80-90 français et mais toi le côté un peu sombre de ce punk rock là, plutôt que les abs ou quoi. Toi, c'est vraiment dans le côté. Je te dis caméra silence quoi, parce que je connais que ça. Ouais, Avec un petit peu de mélo quand même derrière, mais du mélo qui fait un peu triste. Et j'aime beaucoup ce mix en fait. Du punk post-punk, si j'oserais. Ce côté un petit peu sombre. Ah bah, oserais-je Voilà, j'ose. Oserais-je Oui, mais c'est un son très actuel, mais qui passe vraiment très très bien. Ben ouais, carrément. C'est pour être du québécois. Oses-tu-je Non, bon, c'est du néerlandais à la rigueur. Ah oui, non, il y a beaucoup. Non, il y a trop de voyelles. Ouais. Et t'en enlèves au moins deux, et là ça peut être une néerlandais, mais c'est tout. Il y a peut-être des Z que t'as pas prononcé, on sait pas. Parce que moi, quand Allez, c'est bon. Parce que j'avais une très bonne anecdote sur un jeu télévisé. Non, mais tais-toi, allez, il reste 10 minutes. On va aller très vite. On va passer du rapide, du bourrin. C'est Noisy Neighbors, un groupe de grindcore ultra bourros, je pense qu'on peut le dire. Ah, on y vient. Voilà, que j'ai découvert. Un ami de bon goût m'a fait découvrir ça. Le morceau, c'est Café Nighted Demise. Et l'album s'appelle Noisy Neighbors aussi. Et c'est sorti cette année. Voilà, gros grindcore. Et moi, ce sera la suite du split donc Electro Zombie. Donc, ce sera les talentueux Doom, groupe Crust légendaire anglais. Ne plus. Voilà, bon, normalement. D'ailleurs, ne les présentons pas. Le titre, c'est They Love Fear Death. Voilà, donc, voilà, on y va quoi. Round 1, fight! We'll be right back. bah, c'était parfait, bien brutal. C'était bien ultra-buros, hein. Ouais, donc à l'instant, c'était Doom, groupe mythique et légendaire. Et juste avant, Noisy Neighbors, un petit groupe de grind plutôt prometteur, je trouve. Oui, avec, et donc c'était pendant Doom qu'il y avait le sample de Mortal Kombat, c'est non, ça? Non, c'est pendant Noisy Neighbors. D'accord, eh bah, j'aime beaucoup ce petit sample. voilà. Mais très, voilà, c'était Mortal et c'était Kombat. C'est bon, il est 53, voilà. T'as le temps. On va enchaîner sur des trucs tout aussi rapides, du moins il me semble, en tout cas pour commencer. On va écouter Transient, c'est encore du grindcore. C'est un groupe américain qu'on a pu découvrir lors de la soirée organisée par Pipe à Besançon, alias Holy Grind, où il avait fait jouer, alors j'essaie de me rappeler de la tête d'affiche que j'oublie, et en tout cas l'autre groupe c'était ce Transient, on connaissait pas du tout et puis ça a mis tout le monde d'accord, très très belle Trigger peut-être. Oui, ça, exactement. C'est le concert de rentrée là. Ouais, okay, c'était Trigger avec. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Donc Trigger qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, et avec eux jouait Transient, groupe de grindcore très efficace en live, c'était vraiment cool, avec plein de breaks assez bourrin et en même temps un petit côté oserais-je dire mélodique, mais en tout cas bon. Et, je me suis dit allez non, dis pas mélodique, ça va être une connerie. Bah, bah, bah, bah. Pas tant que ça. Mais non, mais bon, ça reste du grindcore, mais voilà, c'est plutôt très bien joué. Et juste après, ouais, ça sera un disque de demo punk, on en passe pas souvent, ce sera le nouveau disque de Chaviré, qui est un groupe de Nantes, très très engagé politiquement, au niveau avec des textes assez, et tout ça, quoi, assez ouf, bien écrit, ouais, c'est ça. Dans la lignée en fait de l'emo punk français quand même, qui est assez engagé. Voilà, donc le disque s'appelle Interstice, le titre c'est Désertons le désastre, c'est sorti sur Stone Age Records il y a peu. Ah, c'était Chaviré à l'instant. Et juste avant, Transient. Avec le titre Désertons le désastre. Ah, d'accord, c'est pas celui-là que j'avais passé l'année dernière. Ça va. Ah, c'était de l'album-là ou pas ? Oui. Déjà ? Ah, oui, oui. Donc il est passé. Ah, bah, pour moi, il venait de sortir. Pour moi, c'était 2010. Bon, allez, on a Eddie Panagat. Ouais, voilà, il est déjà l'heure de vous quitter, chers voilà, auditeurs. Prochaine émission le 1er novembre. Spécial Défense Animale. Bonne soirée à tout le monde. Salut.